bien en pleine mutation, le temps d'une chute. Mon GPS interne de tortue de mer et m'a paumé dans les galeries labyrinthiques. Je me fous des lois de l'autre univers et règne en seigneur et maître sous la terre. Je veux être seul avec moi-même, juste à la lueur de mes pensées intimes. Si loin, si proche des temps modernes, ici tout est figé, on peut souffler. Chacun y trouve ce qu'il y amène, les lieux sont propices aux pulsions créatrices. En direct du premier homme créatif dans sa caverne tout entier, je m'adonne à appliquer le mouvement perpétuel d'un art par lequel je me laisse forger. Et de l'art ou du caution, ça c'est une autre histoire. Si tu kiffes pas ma frotte connard, car faut que tu saches partout où je passe, la zébrade porte mon place perdure. Je marque pourtant un grand coup de peinture sur les murs. Si j'avais eu un posca dans le ventre de ma daronne, j'en reste tout posé. Psychose was here. Rassasié, pèlerinage touche à sa fin. Je grimpe un échelon comme un palier de décompression. Soulève la plaque et ma grippe des deux mains. Et hop, revoilà la civilisation. S'extirpé d'un trottoir comme on accouche douloureusement au forceps. Pour rejoindre l'asphalte et le ronronnement de la ville qui m'a vu naître. Je me fous des lois de l'autre univers et règne en seigneur et maître sous la terre. Je veux être seul avec moi-même, juste à la lueur de mes pensées intimes. Si loin, si proche des temps modernes, ici on peut souffler. Chacun y trouve ce qu'il y amène. Les lieux sont propices aux pulsions créatrices. Mille et mille et mille et une nuit à ramper sur la brèche, entre les plaques tectoniques et la dérive des impertinents. Mille et mille et une facettes composent la mosaïque de tous ces instants passés hors d'atteinte, hors de toute logique.